Radio FR vous présente la journée intercantonale de la formation professionnelle. Et l'émission à l'ombre du Baobab est consacrée bien évidemment elle aussi à la journée intercantonale de la formation professionnelle avec plusieurs invités que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin dans nos studios. Je vais commencer avec les dames évidemment. Barbara Zosso, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Ortra Santé Sociale de Fribourg. J'accueille aussi Roland Chervet. Bonjour monsieur Chervet. Bonjour. Vous êtes vous président d'Hôtel et Gastro Formation Fribourg, vice-président de Gastro Fribourg et propriétaire du Bel Air qui se trouve à Prat. Et au milieu de vous deux, il y a Christophe Nideguer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Christophe, chef du service de la formation professionnelle à Fribourg. C'est la 7e journée du genre. 20 cantons y participent, les radios régionales aussi pour vous soutenir. Avec cette année, Christophe Nideguer, ce slogan, la formation professionnelle, une chance à saisir. Effectivement, une chance à saisir puisque... aujourd'hui, on aimerait que tout le monde ait une formation professionnelle, on va dire au minimum, et puis une chance à saisir parce que l'apprentissage, on va pas dire mène à tout, mais pratiquement, un apprentissage n'est plus une fin en soi. On peut continuer sa formation, faire une formation supérieure, continuer à l'école d'ingénieur, voire même à l'université. Et on a tous une ou deux connaissances qui ont commencé par un CFC et puis qui ont peut-être fini avec un master à l'université. Et ça va devenir de plus en plus fréquent, j'imagine. Alors fréquent, je ne sais pas, il faut quand même garder des gens qui puissent quand même travailler. On ne va pas tout le tour envoyer tout le monde faire des études. Mais effectivement, ce qui est très intéressant ces dernières années, c'est que le CFC n'est pas une fin en soi, mais permet, avec, sous certaines conditions, notamment la maturité professionnelle, d'accéder à beaucoup, beaucoup d'autres possibilités. Vous parlez donc d'étapes aujourd'hui. Exactement, et d'ailleurs le secrétariat d'État, le CEFRI, le secrétariat d'État à la formation, recherche et innovation, va lancer une nouvelle campagne de publicité depuis cet été, justement sur ce thème, commence avec un métier, puis devient, et puis il y a toutes ces possibilités de formation qu'on peut encore avoir après le CFC. Très bien. Alors, cette journée, elle sert à sensibiliser tous les acteurs du monde professionnel. Aussi, ça c'est aussi le job du service de la formation professionnelle à Fribourg, d'inciter toujours les entreprises à créer des places d'apprentissage. Alors, dans le canton de Fribourg, on est encore en situation où on veut encore créer des places d'apprentissage, même si on a déjà beaucoup fait dans ce domaine-là. Donc, contrairement à d'autres cantons qui ont un reflux démographique, où il y a plus de places que de jeunes. Nous, on est encore dans l'autre situation où on a encore plus de jeunes que de places. Donc, il s'agit encore d'en créer et puis de voir qu'on puisse matcher l'offre et la demande de telle façon à ce que tous les jeunes, enfin, on espère, puissent trouver une solution, mais également que les entreprises trouvent également des jeunes pour faire un apprentissage. On parle des jeunes, Christophe Nideguer, qu'on puisse matcher. C'est joli. Comme anglicisme. Un langage jeune, encore. Absolument, très bien. Juste, c'était intéressant aussi pour moi de me pencher sur sur la question de la journée intercantonale de la formation professionnelle et sur ce que fait le service de la formation professionnelle, parce que vous êtes évidemment au cœur de ces questions. Là où vous observez, vous développez, vous faites la promotion des différents apprentissages, c'est super intéressant. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Effectivement, il y a beaucoup d'activités. Donc en fait, on s'occupe depuis, on va dire, le tout début. Donc dès qu'un patron veut engager un apprenti, donc il demande une autorisation de former, et puis on va suivre tout le cursus jusqu'à ce que le jeune reçoive son CFC ou sa maturité professionnelle. Puis à côté de ceci, ben, on s'occupe également de la promotion. Chaque association s'occupe de sa propre promotion, mais là, on est en appui en participant à des grandes manifestations telles que START, par exemple. Alors, Monsieur Chervet, vous releviez tout à l'heure avant l'émission, par exemple, que START, c'est quelque chose de super important pour vous. Oui, alors pour nous, c'est très important parce qu'on est une des rares professions où on a encore des places d'apprentissage de libre en ce moment. Donc, il y a encore des places. J'en appelle à tous les jeunes qui cherchent encore un métier dynamique, un métier qui permet de voyager, qui permet de se déplacer, un métier où il n'y a pas de chômage. Je profite de cette occasion pour les appeler, téléphonez-nous, il y a des places de libre. Et START, effectivement, est un tremplin, est une vitrine qui nous permet de présenter ces métiers qui sont surtout méconnus et surtout décriés par ces horaires un peu difficiles. C'est vrai qu'on travaille le dimanche, c'est vrai qu'on travaille à Pâques, à Noël, mais tous les avantages, on peut aussi les faire et puis les dire. Et pour ça, START est pour nous très important. On y reviendra évidemment hein, sur les différents métiers que vous pouvez proposer, M. Chervet. Madame Zosso, même chose pour les domaines de la santé, du social. START, c'est aussi un salon qui est important. Alors absolument, bien sûr, c'est l'occasion de présenter les professions pour lesquelles on est responsable. Donc là, il s'agit notamment des professions assistants en soins en santé communautaire, assistants socio-éducatifs, et puis aussi aide en soins et accompagnement. Puis effectivement, toutes ces professions, soit au niveau CFC, soit au niveau attestation fédérale, c'est des très jeunes professions, ils n'ont pas plus que 10 ans. Donc il y a toujours et encore lieu de faire de la publicité. Et puis Start est effectivement l'occasion d'informer aussi, comme M. Nidek vient de le dire, pour informer sur les possibilités de carrière. Donc c'est aussi dans ces domaines-là, c'est plus du tout des voies de garage. Il y a plein de possibilités de continuer. Par contre, contrairement à ce que M. Chervet vient de dire, nous on est un peu confrontés à la situation inverse, c'est-à-dire on a un très grand intérêt de la part des jeunes de se former dans ce métier, mais on n'a pas assez de places d'apprentissage. Oui. Donc la demande dépasse largement l'offre. Il faut un peu différencier et nuancer, parce que aussi bien assistante socio-éducative que assistante en soins de santé communautaire, formation qui peut se faire dans différentes institutions, les hôpitaux reçoivent énormément de candidatures dans les EMS et puis aussi dans le domaine social, dans le domaine handicap. La situation est un peu moins grave, je dirais. Le rapport entre demande et offre est un peu plus juste. Mais en général, on peut vraiment dire que la demande dépasse largement l'offre. Alors là aussi, Christophe Nidegger, au service de la formation professionnelle à Fribourg, c'est vous qui regardez où c'est qu'il faut un petit peu faire de la promo, où c'est qu'il y a trop de monde. Comment on gère ça? C'est relativement difficile parce que on sait à peu près les métiers qui connaissent beaucoup de succès, les métiers où on a un peu plus de peine à trouver des apprentis. Mmh. Après, évidemment, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Par exemple, les envies des jeunes de faire tel ou tel métier. Vous avez l'environnement social, l'environnement familial qui fait que certains jeunes s'intéressent plus ou moins à des métiers. On va dire des métiers très, je dis souvent le terme de sexy, mais qui attirent en fait les jeunes. Mmh. Si je prends un métier qui a beaucoup de succès, par exemple les informaticiens, il y a relativement peu de place, c'est des métiers qui attirent. Par contre, il y a d'autres métiers qui ont moins de succès parce qu'ils sont peut-être un peu moins connus. Il y a peut-être des problèmes d'horaire dans ce que discutait tout à l'heure M. Chervet. Et puis, c'est là où on a le petit souci, c'est de faire comprendre aux jeunes que il n'y a pas que tel ou tel métier, il y en a d'autres. Dans le canton de Fribourg, on a à peu près 180 métiers, donc l'offre, elle est là. Oui. Mais c'est vrai que les jeunes s'intéressent souvent à un certain nombre de métiers restreints, et malheureusement surtout les filles. Et je crois qu'un de vos messages, justement, c'est pas de rester fixé absolument sur un métier, mais peut-être de prendre une voie parallèle. Voilà, exactement. Donc s'il n'y a plus de place pour un métier, il y a souvent des métiers qui sont, on va dire, apparentés, qui se ressemblent, et puis dans lesquels on peut très bien se développer, quitte après avoir obtenu son CFC, repartir pour faire un autre CFC ou continuer dans une autre voie. Donc ça, c'est toujours possible. Mais c'est vrai que là, il faut que les jeunes s'ouvrent, voire même leur famille. Il ne faut pas oublier que les parents aussi jouent un très grand rôle, le milieu familial ou le milieu social, puis s'ouvrent et puis voient qu'il y a d'autres métiers, il y a d'autres possibilités qui existent. Alors moi, je me souviens aussi qu'il y a bien quelques années en arrière, quand moi j'étais à l'école, il y avait déjà cette césure. Est-ce qu'elle existe toujours, les études ou l'apprentissage, puisque ça a tellement évolué, puisqu'aujourd'hui un apprentissage peut mener à tout. Je sais que vous aviez la discussion aussi avant l'émission. Est-ce que, par erreur, on essaie toujours de pousser d'abord aux études avant de penser à un apprentissage? En effet, moi j'en pense souvent, surtout aussi à l'occasion de Start, des parents qui viennent qui disent « Mon fils et ma fille a des très bonnes notes, tous les professeurs essaient plutôt de l'orienter vers le collège, or elle souhaite faire un apprentissage assistante socio-éducative. Qu'est-ce que vous dites ?» Puis moi, je peux que leur conseiller de laisser poursuivre dans cette voie, parce qu'effectivement, comme on vient de dire, il y a tellement de possibilités de développer dans ces professions-là que on peut plus du tout dire aujourd'hui que c'est uniquement la voie collège qui ouvre toutes les voies possibles de formation continue. Pareil chez vous, Monsieur Chervet? C'est exactement la même chose chez nous. Chez nous, c'est le cadre familial qui restreint peut-être souvent les jeunes. Les parents ont peur. Le jeune travaille le soir, le jeune travaille le week-end. On n'aura plus de vie de famille. Et puis tu vas être cuisinier toute ta vie ou serveur toute ta vie. Alors que non, on a des possibilités aussi en faisant une maturité post-apprentissage, de partir dans des écoles hôtelières, de partir dans les écoles supérieures et de développer ce métier. Ce métier a une très grande ouverture. Je parlais avant des voyages et tout. Je crois que dans chaque ville du monde, il y a des hôtels, il y a des restaurants. Partout, on a besoin de cuisiniers, de serveurs, d'assistants en hôtel. Et toutes ces professions ont vraiment une très grande possibilité de développement personnel déjà. Et puis ensuite, une très grande possibilité de carrière. Oui. C'est aussi le boulot du service de la formation professionnelle. Alors, pour reprendre le terme sexy, de rendre aussi ces apprentissages sexy, de rendre l'image sexy. Alors, je dirais, le boulot, il incombe surtout aux associations professionnelles. C'est elles, finalement, qui doivent vendre le métier et puis le rendre attractif, de dire quels sont les avantages. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, etc. Nous, on est évidemment en appui pour donner un coup de main. Mais le boulot principal de la promotion, de dire notre métier, je ne veux pas dire c'est le meilleur, mais c'est celui qui offre les meilleures possibilités, etc. C'est clairement aux associations professionnelles, voire aux formateurs en entreprise. C'est eux qui doivent rendre ce métier, on va dire, sexy. Et certaines associations l'ont compris, lancent des campagnes de pub, essaient de trouver des solutions. Et puis on remarque que dès que ça se fait, très souvent les jeunes sont attirés, c'est un métier qu'on découvre. On reprenait l'exemple de Start, hein. Dès qu'on a une association qui vient, qui fait un peu de publicité pour son métier, on voit assez rapidement chez nous une augmentation du nombre de contrats dans ce métier-là, autant évidemment qu'il y ait des places. Donc les associations professionnelles là jouent un très grand rôle. Alors un mot aussi de l'importance des stages, Christophe Niedeguer. Encore une fois, souvent on a aussi tendance à dire on va pousser plus loin les études parce qu'on ne sait pas vraiment finalement ce qu'on veut faire. Faire des stages, c'est aussi une solution super importante. Je ne veux pas dire que c'est la solution, mais c'est une des meilleures puisque ça permet aux jeunes de prendre contact avec le métier, de découvrir véritablement de quoi il s'agit. Et puis pour le maître d'apprentissage, ça lui permet de le voir le jeune en live. Sinon, il reçoit une feuille de notes. Que signifie cette feuille de notes? C'est pas évident. Son courrier, sa lettre de motivation, c'est souvent un petit peu les mêmes pour tout le monde. Il n'a pas de référence. Donc la seule façon vraiment pour lui de voir, mais surtout je trouve pour le formateur, de voir est-ce que la personne est vraiment apte au métier, c'est effectivement le stage. Et puis c'est vraiment ça qui, je ne vais pas dire qui devrait faire la différence. Et puis très souvent, on a des jeunes peut-être qui aiment un peu moins l'école, ils en ont un petit peu marre, etc. Ils n'ont pas forcément des bonnes notes, mais ils découvrent un métier. Et puis dès qu'ils ont découvert ce métier, ça part, ils sont intéressés, ils continuent à faire des formations. Moi, je croise de temps en temps mes collègues qui travaillent dans les écoles secondaires en disant j'avais tel ou tel élève, c'était pas évident chez nous, etc. Chez nous, on n'a jamais entendu parler, c'est des gens qui font des brillantes carrières par tout la suite. Tout à coup, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic. Ils ont trouvé un métier qui leur plaît, et puis c'est des gens qui deviennent ensuite patrons d'entreprise, qui forment eux-mêmes des apprentis. Et puis là, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de ces jeunes. Ouais. Il y a même eu des speed dating, patrons et jeunes. Alors, clin d'œil évidemment au speed dating, mais c'est une bonne manière de se confronter directement à la réalité, quoi. Oui, tout à fait. Le speed dating, c'est clair, c'est pas le but de signer des contrats le soir même. Je veux dire, c'est même carrément impossible. Mais pour certains de ces jeunes, c'est la première fois qu'ils se trouvent en face d'un patron. Oui. Et puis, ça leur permet de dialoguer. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'ils ont fini leur interview, ils sortent. Ils ont peut-être décroché une place de stage, donc ce qui est déjà très bien. Puis j'ai déjà entendu ces jeunes qui disent, mais finalement, ces patrons sont quand même sympas, on peut quand même discuter, etc. Il y a un peu aussi une image qui fait qu'on a peut-être peur de vis-à-vis d'un adulte. Et puis là, ils se rendent compte que tout se passe très, très bien. Puis que tout le monde a un intérêt, que ce soit le patron pour trouver un apprenti, oui. Et puis l'apprenti pour trouver une place. Avant de faire la pause musicale, je voulais juste donner ce chiffre. Vous me corrigez, Christophe Niedeguer, mais on a quelque chose comme 8800 personnes actuellement en formation professionnelle sur 180 professions à Fribourg. Voilà, sous contrat, attestation, maturité, etc. Oui. Très bien. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui voudraient aujourd'hui nous signaler une place d'apprentissage possible. Ils peuvent le faire en appelant le 026 305 25 71 et cette place d'apprentissage sera très vite sur le site de la radio radiofr.ch. On retrouve Barbara Zosso et puis Roland Chervet juste après cette pause musicale. Voici U2 avec Vertigo. Vous écoutez Radio FR, il est 10h43 et on vous parle de la journée intercantonale de la formation professionnelle. émission ce matin est consacrée à la journée intercantonale de la formation professionnelle. On a entendu tout à l'heure Christophe Nideger, le chef du service de la formation professionnelle à Fribourg. Et puis on va continuer cet entretien avec Barbara Zosso, qui est directrice de l'ORTRA Santé Sociale de Fribourg. L'ORTRA, si j'ai bien compris, Barbara Zosso, c'est donc l'organisation du monde du travail du canton de Fribourg pour les domaines de la santé et du social. C'est une sorte de plateforme en fait qui présente tous ces domaines et ces métiers. Oui, on pourrait dire comme ça. En principe, on est le troisième partenaire selon la loi sur la formation professionnelle qui s'occupe de la formation professionnelle, donc le monde du travail. Mmh. Puis nous, l'ORTRA Santé Sociale Fribourg, on réunit aussi bien les employeurs que les employés pour s'occuper de la formation professionnelle. D'accord. Dans ces domaines-là, effectivement. Alors, si on parle de formation professionnelle, déjà, dire que les métiers, on a du mal à s'en sortir des fois avec toutes les nominations particulières, les assistants socio-éducatifs, santé communautaire, ces terminologies, il faut chercher un peu. Il y a combien de métiers répertoriés? Donc, dans le canton de Fribourg, au niveau apprentissage, on offre effectivement trois professions dans ce domaine-là. Mm-hmm. C'est d'une part assistante socio-éducative, d'autre part assistante en soins et santé communautaire, et puis la troisième, c'est aide en soins et accompagnement. Il existe aussi des formations au niveau école supérieure, HES, mais l'ORTRA, elle est notamment responsable pour ce qui concerne le secondaire 2, du côté et cours inter-entreprise, mais aussi du côté de la promotion des métiers, tout ce qui va de pair. Donc le message que vous donniez tout à l'heure, c'est que chez vous, on est en pénurie de places d'apprentissage, il y a trop de demandes. Oui, et il y a un peu un paradoxe. D'une part, effectivement, il y a une pénurie de places d'apprentissage, mais en même temps, on parle partout de pénurie aussi du personnel dans le domaine des soins et puis de l'accompagnement. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement un paradoxe, parce qu'on sait très bien, avec le vieillissement démographique, il y a besoin d'énormément plus de personnel dans ces domaines-là. Mm-hmm. Ça touche aussi bien le domaine santé que le domaine social. Donc, je dois dire tout d'abord, effectivement, les professions sont encore très jeunes dans ces domaines-là, et puis les institutions ont fait déjà des énormes efforts. Si on regarde, par exemple, le baromètre des places d'apprentissage, nos deux professions au niveau CFC sont à la troisième et à la quatrième place. Mmh. C'est des professions qui ont que 10 ans, donc c'est énorme l'offre qui a été faite par les institutions pour proposer des places d'apprentissage dans ce domaine, et puis on voit très bien que ça répond à un besoin. Mais en même temps, on sait très bien que ça ne va pas suffire. La difficulté, c'est un peu que, bien sûr, la particularité de nos professions, c'est que la grande partie de ces personnes sont formées et engagées dans des institutions publiques, voire parapubliques, donc il y a toujours une certaine dépendance, soit de l'État, soit des communes, mm-hmm. pour ce qui concerne le financement aussi, ce qui concerne la réglementation. Donc, la volonté seule des institutions n'est pas suffisante pour garantir plus de places d'apprentissage. Il faut aussi des conditions cadres, il faut peut-être des incitations pour former plus. Et puis, il faut surtout aussi qu'on sache très clairement combien de personnel on a besoin. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque actuellement encore dans notre canton. On n'a pas d'études qui montrent d'ici à 20 ans, on a besoin de tant et tant personnel formé à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on va combler. Et la direction de la santé et des affaires sociales a mandaté l'ORTRA pour faire une telle étude dans le domaine des soins. Mm-hmm. Donc ça, je pense que ça sera aussi un point qui met un peu de pression pour créer un peu plus de place d'apprentissage. Ouais. Alors, je vous entends bien à ce niveau-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui ont envie de se diriger encore vers vous et vers ces places-là? Qui vont trouver quelque chose, qui prennent. Oui. Bien sûr, on les encourage toujours de postuler, mais finalement, le choix ça revient aux institutions. Donc, ouais. Il y en a toujours des déçus, bien sûr. Ce qu'on essaye de faire, effectivement, on a la possibilité de les garder un peu dans le même métier, mais de les diriger vers les autres institutions. Donc, quelqu'un qui souhaite vraiment travailler dans les crèches avec les petits-enfants en tant qu'assistante socio-éducative, il y a la possibilité de faire la même formation dans le cadre d'un EMS ou bien dans le cadre du handicap. On reçoit le même titre de CFC, donc il y a toujours la possibilité, après l'obtention du CFC, de se rediriger vers ce domaine-là. Donc je pense là, on a aussi une grande chance par rapport à cette flexibilité. Donc on a la possibilité de les rediriger à l'intérieur de la profession, ce qui est une bonne chose. C'est génial, ça rejoint le discours également que nous donnait tout à l'heure Christophe Nideger. Tout est ouvert et tout est possible. Une dernière question, parce qu'elle m'a quand même titillée quand j'ai préparé cette émission, Barbara Zosso, c'est beaucoup de monde se dirige vers ces professions-là, ça a beaucoup de succès. D'un autre côté, c'est des corps de métier où on voit qu'on tire beaucoup sur la corde, que le personnel il est souvent éreinté. Malgré ça, c'est des métiers qui fonctionnent encore et toujours. Bien sûr, c'est des métiers de l'humain qui demandent beaucoup d'engagement. C'est aussi les horaires, il y a aussi du travail de nuit, le week-end. Donc effectivement, c'est des professions qui sont très demandeurs de la part des professionnels. Mais en même temps aussi, il faut dire que c'est des professions qui sont très polyvalentes, très attractives. Il y a différentes variantes dans différentes institutions dans lesquelles on peut exercer ces métiers. Donc il y a quand même une attractivité qui dépasse un peu, qui va au-delà de ces côtés aussi exigeants. Et qui humainement sont évidemment très riches aussi. Merci beaucoup Barbara Dosso. Je passe la parole à Roland Chervet. Je rappelle que vous êtes président d'Hôtel et Gastro Formation Fribourg, vice-président de Gastro Fribourg. Alors on parlait d'horaires là aussi, hein, vous proposez des métiers qui sont parfois éreintants. Oui, on a des métiers éreintants, effectivement. Les horaires sont... on travaille de nuit, le soir, on travaille les week-ends. Mais les conditions aussi sont bien améliorées ces dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, les locaux sont beaucoup plus aérés, sont beaucoup moins chauds. On travaille avec des appareils, je dirais, plus techniques. Mmh. On parle d'induction, on parle de four combi. Donc, beaucoup moins de chaleur, beaucoup moins ces problèmes en cuisine. Au service aussi, les horaires sont devenus plus souples. On a aussi une convention collective qui est très attractive au niveau des employés aujourd'hui, avec des très bonnes conditions sociales. Et puis, je crois que le métier, c'est amélioré. Les métiers de l'hôtellerie sont bien améliorés et sont devenus très attractifs pour tous les jeunes qui voudraient... Je leur dis encore une fois, voyager, qui ne cherche pas une place forcément très stable et qui ont envie de voyager. C'est un métier de jeune pour le départ. Et puis ensuite, une carrière, on se pose à quelque part. On a des très bons exemples dans les pays étrangers où des gens formés comme cuisiniers ou comme serveurs sont maintenant directeurs de Hilton ou de grands palaces comme le Dorchester à Londres ou comme ça. Donc les gens qui sont intéressés, vous le disiez tout à l'heure aussi, hein, Monsieur Niedegger, le stage, vous y croyez très fort, c'est le meilleur moyen de se faire une idée. Alors effectivement, le stage est un très bon moyen de se faire une idée et surtout un très bon moyen pour enlever les préjugés de ce métier. Mmh. Le jeune qui arrive ne va pas travailler pendant son stage, il va voir, il va regarder, il va donner un coup de main, il va avoir du plaisir et il se rendra très vite compte que de travailler pendant midi, c'est pas du tout désagréable. Si l'après-midi, on peut aller au bord du lac et puis se baigner. Et puis de travailler le soir, c'est pas désagréable. Si quand on a fini, on a encore 2 heures pour aller peut-être boire un verre et puis on doit se lever peut-être qu'à 9 heures. Mmh. Donc il y a des tas d'avantages. Hein. Et la même chose en station de ski, c'est beaucoup plus agréable de skier l'après-midi quand on a la pause. Et c'est tous des petits avantages qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a des métiers, des domaines en particulier que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui ? Des places en particulier ? Alors, les métiers que je veux mettre en avant, en fait, c'est les métiers pour lesquels on forme. Mm-hmm. Hein, on a actuellement 5 formations, plus une spécialisation. Hein, donc, le cuisinier, avec la spécialisation de cuisinier en diététique, le spécialiste en restauration, le spécialiste en restauration système, qui est un nouveau métier, qui existe depuis 3 ans seulement, et qui est un métier d'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est toutes ces chaînes de restauration, style les manoirs ou comme ça, je ne fais pas de la publicité, mais où le jeune produit des aliments, le jeune ou l'employé produit des aliments, les vend directement au client, les prépare devant le client. Mmh. C'est une très belle profession où il y a beaucoup de contacts aussi. On parle toujours du spécialiste en hôtellerie qui s'occupe de tout ce qui est l'hôtellerie, donc les chambres, la gestion des arrivées, etc. Le réceptionniste, qui est lui spécifiquement, c'est une profession plus de commerce. D'ailleurs, elle s'appelle employé en commerce HGT, donc hôtellerie, gastronomie, tourisme. C'est une profession aussi qui est très intéressante, effectivement. On les met toutes en avant. On aimerait toutes les promouvoir. On a des places d'apprentissage dans quasiment toutes les professions. Mmh, très bien. Et toutes ces professions, quasiment toutes les professions ont aussi une possibilité de faire les apprentissages sur 2 ans en AFP. Ce qui est aussi pour les gens qui ont peut-être un petit peu moins de sensibilité à l'école ou un peu plus de difficultés, une possibilité de se mettre en valeur pratiquement et puis de s'épanouir vraiment dans quelque chose aussi d'intéressant. Mmh, c'est formidable. Vous disiez tout à l'heure aussi quelque chose d'intéressant. Vous disiez, vous, quand vous engagez un jeune en apprentissage, vous dites aux parents, j'engage votre enfant, mais je vous engage aussi. Oui, pourquoi ? Parce que le jeune, on a tout ce problème social au niveau familial, hein, où il y a beaucoup de ruptures. Mmh. Moi, le jeune qui vient, il y a des moments de blues, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où voilà, il va se faire gronder. Et on a besoin des parents qui le soutiennent, qui lui disent pas non. C'est plus un métier pour toi. Non, il faut le soutien. Il faut aussi aider le jeune, je pense, à passer par-dessus les obstacles et puis aller chercher des ressources qu'il a en lui ou que le cadre familial peut lui donner. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, j'engage votre fils ou votre fille, mais je vous engage vous aussi dans l'apprentissage. Et je vous engage vraiment à participer à cet apprentissage. Vous avez envie de commenter ça, Christophe Bliguer, parce que vous, avec votre fonction, vous vous occupez des choses globalement. On parle de nombre de postes, où c'est que ça fonctionne, où c'est qu'on traîne la patte, etc. Mais derrière, au niveau social, ces jeunes qui arrivent et qui n'ont pas toujours des cadres familiaux faciles, ça vous touche aussi ? Oui, la remarque de M. Chervet est assez intéressante. J'ai d'autres connaissances qui engagent uniquement si les parents ne sont pas là. C'est-à-dire que si c'est la maman qui téléphone pour avoir une place d'apprentissage, le patron juge que le jeune n'est pas assez mature. Ouais. Et puis, ça c'est intéressant de voir cette vision. Mais c'est clair, l'exemple dont je vous parle, c'est peut-être les horaires sont peut-être aussi un peu plus simples. La famille joue effectivement un très grand rôle. On a parlé notamment dans le choix du métier, mais également parce que dans les relations que les parents peuvent avoir pour rechercher une place d'apprentissage. On est un petit canton, quand même. On va encore dire campagnard. C'est vrai qu'on n'est pas des grandes villes. Donc, les parents connaissent souvent quelqu'un qui cherche une place d'apprentissage. Et c'est vrai que le réseau social fait que pour certaines familles, c'est un petit peu plus facile pour trouver. Ouais. Et les familles qui n'ont pas ce réseau social, pour elles, ce sera effectivement un petit peu plus difficile. Et puis, on remarque effectivement que si les parents n'ont pas ce lien, c'est vraiment ces jeunes-là qui auront le plus de peine à trouver des places d'apprentissage. Donc, les parents jouent effectivement un grand rôle de soutien et d'accompagnement dans le choix du métier, mais également pour soutenir le jeune, parce qu'évidemment, à 15 ans, on se retrouve dans une grande entreprise, on se retrouve avec un monde d'adultes, il n'y a plus les vacances scolaires, bref, puis il y a quand même l'école, hein, il faut quand même retourner une, deux fois par semaine, il faut quand même aller à l'école. Donc, c'est un énorme changement, puis c'est vrai que les apprentis qu'on voit arriver les 6 premiers mois, ils sont fatigués, c'est tout un changement. Donc, si les parents ne sont pas là pour soutenir en disant, mais il faut crocher, vas-y, tu vas y arriver, c'est clair que ça peut être un désavantage. Donc les parents jouent un grand rôle, effectivement. Merci pour cette conclusion, Christophe Nileguer. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup. Un site qu'on aimerait donner, c'est orientation.ch. C'est là où sont répertoriées les places d'apprentissage. Pour l'ORTRAC, vous avez un site internet qui est assez complet aussi. Oui, c'est le www. Non, c'est en France, on dit www.ortrafr.ch. Merci beaucoup, Barbara Sosso. Je rappelle que vous en êtes la directrice de l'Ortra Santé Sociale de Fribourg. Roland Chervet, président d'Hôtel et Gastro Formation Fribourg, vice-président de Gastro Fribourg et propriétaire du Bel Air à Prat. Et puis nous avions aussi Christophe Nideguer avec nous, chef du service de la formation professionnelle à Fribourg. Cette journée continue sur Radio FR avec différents témoignages tout au long de la journée. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.